écoutez TMX, c'est bon, c'est gras, ça passe tout seul. La télé, c'est mauvais, même TMX, il le dit. Aversion du luxe, Dolce & Gabbana, Okai, dit Jacadi. T'en fais pas, rassure-toi, j'en ferai pas mon linceul. C'est vrai, y'a pire ailleurs. Finir sous le pont du bois de chêne. Ouvre les yeux, lève la tête, respire, c'est pas ça la vie. Yo, check ça, vive l'amour, les potes, la bière, la misère, oublie. Allez, fais un effort, putain, change de chaîne. Non, j'capte pas, c'est crypté, j'ai pas mis le décodeur TNT. Se débranche mon cerveau jusqu'au stand-by qui tiendra mon roman. Programme crypté, mais t'as capté. Attention, explosion de TNT. Massage, pédiculaire et bière, on fait des rimes pourries en duel. Moment précieux, la réalité a enfin surpassé les délais. Dur exercice instantané où mes neurones ne font que fumer, ma bouche se terre, tout ça. La bière stimule ses deux cervelles, prête à se transformer en béchamel. Métaphore peu ragoûtante pour dire qu'il est tard pour nos cerveaux lents. C'est avec TMX en boucle. C'est ce qu'ils disent à la télé. Déjà sur TF1 et bientôt les chaînes publiques. Voilà ce que ça peut donner d'abandon.